Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021, nous sommes en direct, c'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont Benjamin Claudel de Canacave qui est là pour nous parler justement de Canacave et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Benjamin. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, moi je m'appelle Benjamin, donc j'ai 23 ans et je suis originaire des Vosges et je viens d'ouvrir un commerce sur Remiremont, donc une cave à spiritueux, donc tout ce qui est alcool fort, etc. Je viens présenter le projet. Parfait, de toute façon, nous sommes là ici pendant une heure, plus ou moins, pour parler justement de Canacave. Voilà, et surtout, en plus, nous en parlerons un petit peu plus tôt, mais tu es quelque part un ancien collègue vu que tu as aussi bossé dans une radio. Exactement, il y a quelques temps, oui. Voilà, donc on en dira quelques mots pendant cette émission, mais le sujet principal, ça sera surtout Canacave, du coup. Voilà, ça marche. Du coup, on est là pour ça. Donc, comme annoncé à l'instant, tu travailles dans une cave à spiritueux appelée Canacave. Donc, bien que nous développons le sujet tout au long de cette heure d'émission, est-ce que tu peux présenter en quelques mots toujours ce qu'est Canacave ? Ok, alors Canacave, le nom vient de l'origine du rhum, hein, donc la canne à sucre qui est transformée et arrive en cave, hein, donc pour toute consommation. Et c'est un commerce qui est plus large que le rhum parce que en fait j'ai souhaité développer tout ce qui était spiritueux au sens large. Donc voilà, on retrouve du rhum, du whisky, du cognac, du gin, de la vodka et quelques eaux de vie de fruits, principalement locales. C'est des produits du monde entier, vraiment des quatre coins du monde, même des provenances assez étonnantes. Et j'ai aussi mis en avant les produits français, parce que dans les spiritueux, on a des très belles choses qui se font en France. Et donc on n'en trouve pas forcément, même des produits locaux qu'on a du mal à trouver. Et c'est sympa de les mettre en avant. Bien sûr. Et donc, comme tu as monté cette cave à spiritueux du côté de Remiremont dans le boulevard Thiers. Exact. Mais quand est-ce que tu l'as créée ? Alors, l'histoire de Canacave, elle remonte un petit peu plus longtemps que l'ouverture du magasin. D'accord. Parce qu'en fait, à la base, c'est une page Instagram créée avec un ami pendant le confinement. Parce que on était passionnés de rhum. Donc oui, la page était vraiment portée sur le rhum avant que j'élargisse Canacave. C'était vraiment histoire de partager une passion avec d'autres passionnés sur les réseaux sociaux. Et c'est bien tombé pendant le confinement parce qu'on a réussi à développer un concept qu'on a appelé le lundi bar. Donc en fait, tous les lundis, on partageait la collection d'un passionné, d'accord, sa petite collection personnelle. Et comme les bars étaient fermés durant le confinement, on a dit, les bars sont fermés, montrez-nous le vôtre. Et c'est le lundi bar, donc... à notre grande surprise, il y a un petit mouvement qui a pris sur la page Instagram. Et voilà, de nombreux passionnés réagissaient en commentaire. Tiens, t'as trouvé où cette bouteille-là, etc., etc. En demandant des avis sur divers produits. Mm-hmm. Et rapidement, moi, comme le rhum, c'est quand même un milieu de niche, hein, sur les réseaux sociaux. C'est pas les pages qui explosent le plus. Avec le peu d'abonnés qu'on avait, on a eu un petit impact quand même. Et rapidement, des marques nous ont suivis, on recevait des échantillons de bouteilles. Et puis jusqu'à la dernière étape, c'est on a été invité à un salon. Enfin, la reprise des salons de Rome, mm-hmm, on a été invité à Paris. On rencontre plein de monde dans ce milieu. C'est vraiment super intéressant. Moi, au bout d'un moment dans ma vie, j'ai eu l'occasion de créer la boutique Canacave. Bon, c'était, avant, on en parlait, mais c'était plus... utopique qu'autre chose, ça semblait pas réel, et au final, aujourd'hui ça l'est. Voilà, donc tout est parti grâce à une page Instagram pendant le confinement du coup. Exactement, c'est ça. Comme quoi, un tout petit rien peut amener peut prendre des proportions très, très élevées, on va dire. Exactement. Et donc, je crois savoir que du coup, Canacave se trouve dans l'ancien local du maître d'œuvre Francis Thierry. Exact. Donc, comment s'est passé ce passage de flambeau, entre guillemets ? Est-ce que tu as eu peut-être des échanges avec Francis Thierry avant ou est-ce que le local était déjà libre ? Alors, à la base, quand je cherchais un local sur Remiremont, il y en avait quelques-uns disponibles, mais j'hésitais entre louer, acheter, Et au final, j'ai trouvé le local du coup de Francis Thierry en location. Et disponible. Je me suis dit, je voyais où est-ce qu'il était situé. J'avais un petit peu une idée voilà, de la configuration du local. Et moi, dans ma tête, j'avais vraiment une idée claire de la boutique que je voulais en termes d'aménagement, etc. Donc voilà, j'ai envoyé un message, j'ai été visiter le local. Directement, je me suis projeté et ça correspondait parfaitement à l'idée que je m'en étais fait. Et donc voilà, le local était ce qu'il était. Bon, de toute façon, ce n'était pas du tout pour la même activité. Donc, bien sûr. Il fallait réussir à se projeter et voir au-delà de ce que j'avais sous les yeux. Et voilà, en fait, il s'y prêtait bien parce qu'il y a assez de place sans trop en avoir. Je voulais quelque chose d'assez intime. Je ne voulais pas un gros entrepôt non plus. Voilà. Je voulais vraiment être un petit caviste de proximité. Avec des bons produits sans en avoir des milliers non plus. Mmh. Et puis voilà, en termes d'aménagement, etc., c'était surtout du rafraîchissement à faire. Il n'y a pas eu de gros travaux. Donc vraiment, tous les éléments étaient réunis pour que je parte dans ce local-là. Ok. Et donc, tu as dû aménager peut-être certains meubles ou peut-être en supprimer et en rajouter ? Ben, en fait, j'ai tout vidé. D'accord. Et j'ai tout réaménagé. Enfin, c'est... Voilà, comme je dis, c'est plutôt du rafraîchissement. C'est simplement voilà, remettre un coup de peinture sur les murs, remettre un beau parquet. Voilà, après, on a changé tout ce qui est luminaire, tous les éclairages. Et puis après, c'est surtout les meubles, hein, au final, qui habillent le local. Et puis, les bouteilles, qui, au final, sont des très beaux éléments de décoration. Et en plus consommables. Exactement, ouais. Avec modération, bien sûr. Toujours. On le rappelle, toujours. Et donc... On en parlait en début d'émission, donc on va en dire quelques mots. Donc, avant d'être à la tête de Kanakaf, tu travaillais dans un tout autre domaine, un domaine finalement pas si loin de Radio Guémozo. Exactement. J'étais pas dans le coin, je suis parti quelques années sur Paris. Et voilà, j'étais à la radio TSF Jazz, donc bon, qu'on ne connaît pas forcément ici, mais en tout cas, après c'est très ciblé, c'est jazz, voilà, ça a un public très, très particulier. Et voilà, donc j'étais ingénieur du son réalisateur, parce que bon, vraiment tout ça, j'étais dans la musique aussi, voilà, j'ai eu plusieurs petits parcours différents. Et voilà, c'était vraiment génial, à rencontre des artistes, puis voilà, baigner du matin au soir dans la musique, bien sûr. C'est génial. Bien sûr. Et donc justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de ce métier du coup, d'ingénieur du son réalisateur dans une radio au statut de chef d'entreprise d'une cave à spiritueux? Est-ce que c'est vraiment cette passion pour les spiritueux, du coup? Bah, vraiment, ouais, c'est la passion qui est arrivée. Et puis, comme la page Instagram prenait un petit peu, voilà, je m'étais fait quelques contacts, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ce monde du spiritueux. Et en parlant voilà, d'un projet qui ne semblait pas forcément très réalisable, donc créer la cave, ben, voilà, je me suis vite rendu compte que si, c'était réalisable. Et voilà, j'ai pris ça comme une opportunité. Voilà, donc, revenir dans les Vosges... d'où je viens en fait, hein, et monter ce projet, c'est vraiment la passion. Et puis voilà, en fait, ça m'a semblé possible, et puis voilà, j'ai foncé. Voilà, t'as saisi cette opportunité. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, tu es chef d'entreprise d'une cave à spiritueux à 23 ans, du coup. Ouais, exactement. Voilà. Donc, avant d'approfondir encore plus le sujet, je te propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que tu as choisie en amont. Ouais. Et que nous écoutions un artiste qu'on aime bien ici à Radio Guémozo, Naaman, avec son morceau On Yourself, pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire. Et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient aussi quand je le fais. Ce titre, c'est plutôt du reggae, on va dire. C'est ça, ouais. Il est sorti en 2017, il est chanté en anglais, mais Naaman est français, il vient de... Je ne sais plus, il est normand, je crois. Oui, c'est possible. Voilà. Et donc, c'est un titre issu de l'album Beyond de Naaman, album sorti le vendredi 6 octobre 2017. Donc, je te propose d'écouter ce morceau et on se retrouve juste après. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Upon your face, I can see your smile. But inside, it's a mess. Maybe the love you're looking for so long. Stuck in your heart, deep down inside your chest. Who's gonna save your soul? By telling you the truth that you did know. Everything happened for a reason. If you stay blind to the cause, you'll never learn and grow. Go on, go where you think is the right way. Why you don't want for yourself, you won't have for nobody's listen. Got to know what is love. While inside reflect the light from above. And if it's raggy, I can't get you closer. Ain't the lucky man. Only struggle I'd give us gain for something. Love could be painful without it all we have. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf. Count me, so on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf. Count me, so on yourself. You rip me up as every time I see your doubt. You rip me up. Where's your love gone? Only your heart will see beyond the flesh, so it alone can outline the purpose. Give strength to the faithless and nurture the light as the universe does. Take it as you gave it, stroll on your arm. Can you feel the harmony when we are the one, where the one is just so many? But you rip me up. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf. Count me, so on yourself. Ah, how can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put down there. Count me, so on yourself. Oh. Ton visage s'habille d'un sourire auquel manque le cœur. Ce que tu cherches depuis toutes ces années est profondément enfoui à l'intérieur. Qui pourra sauver ton âme, te rappeler ce que t'as oublié? Chaque jour a sa leçon et qui tourne le dos, il laissera la raison. Et qui tourne le dos, il laissera la raison. Love is not to be put on a shelf. Count me, so on yourself. Ah, how can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put down late. Count me, so on yourself. On yourself. If you can't, oh. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers, je sais même qu'on nous écoute au Québec, donc comme ça, voilà, on est international. Et vous venez d'écouter Naaman avec le titre On Yourself, et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Benjamin Claudel de Canacave, qui est là pour nous parler de Canacave et de tout ce qu'il fait. Ça va toujours ? Ça va, super, merci. Parfait. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Bah en fait, Naaman, c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, j'ai eu l'occasion de le voir en concert et... J'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, pour tout ce qu'il dégage, ce qu'il raconte, vraiment la vibe dans ses musiques. Et cette musique-là, en plus, ouais, je la trouve magnifique. Hein. Il dit « Comment peux-tu m'aimer si tu ne t'aimes pas toi-même ?» Je trouve que c'est, ouais, ça résume beaucoup de choses de la vie quand même, je trouve. C'est vrai. Et donc, du coup, on va reprendre cette émission. Donc, nous le disons un peu plus tôt dans cette émission, on t'en a un petit peu parlé également, mais du coup, Canacave, c'est une cave à spiritueux. Donc, est-ce que tu peux rappeler les différents spiritueux, différents alcools que l'on peut retrouver dans ta Canacave, du coup ? Ouais, alors, bon, c'est quasi l'intégralité du monde du spiritueux, hein, donc c'est principalement rhum et whisky. C'est les plus connus et ce qu'on voit le plus fréquemment. Mais j'ai aussi développé le cognac, le gin et la vodka, et un petit peu d'eau de vie locale, mais en petite quantité. Mais voilà, c'est des alcools qui sont assez différents, mais vraiment, ça vaut le détour parce qu'il y a des très belles surprises, hein, notamment dans les gins et les vodkas que je ne connaissais pas énormément. Et en fait, il y a une diversité dingue qui, malheureusement, des fois, sont un peu entachées par les mauvaises images ou alors le bas de gamme de ces produits qui évidemment, nous donne une mauvaise image. Bien sûr, oui. Ok. Et donc, on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, mais on va le rappeler, toujours avec modération, évidemment. Voilà. Bien sûr. On ne dira jamais assez. Et puis, voilà, pour. Voilà, c'est, je crois que c'est. Je le couperai ça au montage. Et du coup, comment as-tu décidé quels alcools les clients pourront trouver chez toi, du coup? Bah alors à la base, moi j'étais beaucoup plus porté sur le rhum que sur tous les autres. D'accord. Mais bon, je voulais pas m'enfermer non plus dans une catégorie de spiritueux. Déjà que les spiritueux, voilà, c'est déjà quelque chose de très précis. Si en plus dans cette catégorie-là, je m'enferme dans quelque chose d'encore plus pointu, ça ferme vraiment énormément de portes et je perdrais énormément de consommateurs aussi. Et c'est même dommage parce que de toute manière, quand je me suis intéressé, voilà, au sens large du spiritueux, j'ai découvert des produits assez extraordinaires des quatre coins du monde, des choses assez rares qui valaient le coup d'être mises en valeur dans mes rayons. Donc voilà, je me suis vraiment intéressé à tout. Et, bon, ce que je vends, c'est aussi des produits que j'aime, ou du moins des produits auxquels je trouve un intérêt. Donc j'ai fait vraiment une sélection assez objective. Voilà, pour proposer des produits de qualité. Mmh. Et voilà, et puis bon, j'ai reçu de la demande aussi. Quand les gens ont su que j'allais ouvrir un tel commerce, beaucoup m'ont demandé, est-ce que tu vendras du gin ou alors des bonnes vodkas, voilà. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'amateurs de bons cognacs. Donc voilà, c'est en fonction de la demande et des bons produits que j'ai eu à ma disposition. D'accord. Et donc, je crois également savoir qu'à Kanakaf, tu fais un concept plutôt en vogue, la Spiritech. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Quel est le principe de cette Spiritech? Alors, c'est tout nouveau hein, comme principe. On D'accord. voit vraiment ça rarement. Bon, du moins, moi, c'est la première fois que je vois ça et c'est dans ma boutique, donc c'est cool. Oui. En fait, c'est un fournisseur qui a mis ça en place. D'accord. Voilà, il a développé ce concept de spiritueux en vrac. Donc, en fait, c'est un meuble, un très joli meuble avec 4 bonbonnes de 5 litres. Voilà, donc moi je mets l'alcool que je veux dedans. Donc moi j'ai fait le choix de mettre 2 rhums, un rhum blanc, un rhum vieux, et 2 whisky d'Écosse. Donc il y a tous les prix, hein. Il y a de l'entrée de gamme comme du très haut de gamme pour que tout le monde ait accès à ce concept-là. Et voilà, ça offre quelque chose voilà, qui est dans l'air du temps, hein. Le système du vrac, aller remplir sa bouteille. Donc voilà, il y a aussi une démarche écologique, quoi. Donc, bien sûr. On a une seule bouteille et puis ça permet d'essayer les 4 alcools qui sont présents dans cette Spiritech sans prendre de risque. On peut aller prendre 20 centilitres de ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pas comme si on achetait une bouteille de 70 centilitres au risque de ne pas aimer son contenant. Bien sûr. Et voilà, ce qui est bien aussi, c'est que comme on achète uniquement le liquide, c'est un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Quand on a des produits d'une qualité... dingue, notamment dans les rhums. Je travaille avec une distillerie de Guadeloupe qui propose des produits généralement assez chers. Voilà, là, ils sortent un rhum blanc vraiment à un prix super attractif parce qu'il n'y a pas le verre de la bouteille. Et niveau transport, c'est plus simple. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'ils arrivent à réduire les coûts et à proposer des produits d'une super qualité à un prix hyper attractif. Donc voilà, et comme je disais, c'est un produit tout nouveau. On doit être une trentaine de cavistes à avoir ça en France. Donc voilà, c'est un système qui est en vogue, voilà, qui mérite le détour. Bien sûr. Et donc, c'est des bonbonnes transparentes? Ouais, c'est ça. C'est vraiment un joli meuble, en fait. Il y a même des LED en dessous chaque bonbonne qui éclairent le produit. Voilà, ça met vraiment en valeur les spiritueux qui y sont présentés. Donc voilà, ça fait même un meuble décoratif, il y a tout, il y a des beaux bouchons avec, il y a même... En fait, quand le consommateur achète sa bouteille, voilà, moi je mets l'étiquette, je mets un bouchon, il y a même une bandelette pour sceller la bouteille. C'est vraiment un produit complet et on repart vraiment avec une belle bouteille à la fin. Bien sûr. Et donc, justement, je me suis, on va dire, toujours posé cette question, et peut-être que nos auditrices et auditeurs également. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces alcools forts des spiritueux? Alors, je pense que c'est... pour en fait, c'est vraiment une gamme d'alcool, en fait. Hein. Ça concerne que les alcools, si je ne me trompe pas, au-dessus de 35 degrés. Sinon, en dessous, c'est bon, c'est plus des alcools forts. Hein, parce que voilà, même dans ce que je vends, il me semble que je dois avoir un gin à 37 degrés. Sinon, c'est rarement en dessous de ce degré-là. D'accord. Voilà, alors je ne sais pas, je ne vais pas mentir, je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Je ne sais pas l'origine du mot spiritueux, mais ça désigne bien une catégorie d'alcool qui sont vraiment les alcools forts, donc au-dessus de 35 degrés. Voilà, bon, spiritueux, ça sous-entend quand même quelque chose d'assez haut de gamme. Mm-hmm. Voilà, mais beaucoup ne connaissent pas ce terme spiritueux. Quand je disais aux proches, je vais ouvrir une cave à spiritueux, les gens, ils confondaient un petit peu avec les spiritismes, des voilà. choses comme ça. Mm-hmm. Personne connaît trop ce terme, mais bon, maintenant, je vais le faire connaître dans le coin, alors. Ah bah oui, tout à fait. Et donc, du coup, grâce à cette Spiritech, le client paie uniquement l'alcool du coup, qu'il met dans sa bouteille. Donc, comment tu fais pour calculer le prix en fonction de la quantité que le client a mis dans sa bouteille? Alors, il y a trois prix calculés. Il y a le prix pour 20 centilitres, 50 centilitres et 70 centilitres. Ok. Donc voilà, bon, après, je ne vais pas m'amuser à vendre du 40 centilitres et à recalculer à chaque fois. C'est bon, ce n'est pas possible. Et puis, donc voilà, c'est calculé en... Enfin voilà, donc il y a quatre alcools avec des prix différents. Et voilà, bon, c'est toujours plus avantageux de prendre 70 centilitres. Et voilà, c'est en fait, bah, c'est un calcul simple. Hein, c'est à chaque fois, voilà, moi j'ai le prix au litre et après je repartage simplement en fonction des quantités demandées. Ok, il faut avoir des capacités en maths, non? Ouais, un petit peu. Bon, c'est pas mon fort, mais il y a les calculatrices qui nous aident toujours. C'est vrai. C'est vrai. Et donc. En fait, c'est comme cette Spiritech, c'est comme une bibliothèque, mais avec des spiritueux, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le nom est bien trouvé. C'est sympa, ça fait assez ludique, la Spiritech. Et puis vraiment, le concept est sympa. Il y a le petit robinet sur sa bonbonne, on prend sa bouteille, on se sert. C'est vraiment sympa, ça fait convivial. Bien on sûr. Vient se servir comme on veut. Ça permet vraiment de découvrir, bah voilà, dans mon cas, quatre alcools différents, à prix très intéressant. Et voilà, et puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre 20 centilitres à la rigueur de chaque produit. Ça permet de goûter à moindre coût, sans être déçu. Et puis voilà, si on n'aime pas un produit, bon, on n'a que 20 centilitres, on n'a pas une bouteille perdue. Voilà, c'est la découverte. Exact. Et donc, ma question va peut-être paraître un peu évidente, mais chez Kanakab, tu accueilles aussi bien des fins connaisseurs que des amateurs. Exactement. Et même les produits qui sont présentés, j'ai essayé de... d'être très diversifié à ce point de vue-là, parce que en fait ma force, c'est que avant tout ça, comme j'étais passionné, j'étais client moi de ces boutiques-là. D'accord. Donc je me mets à la place des clients. Enfin, c'est même pas que je m'y mets, c'est que j'ai été à leur place. Donc je sais ce qu'un consommateur peut attendre des produits présentés. Surtout que voilà, au début, bah, comme tout le monde hein, qui s'intéresse à ces produits-là, au début on n'y connaît rien. Bien sûr. On connaît à la rigueur des produits de grande surface, mais qu'on veut aller vers quelque chose d'un petit peu plus pointu, sans forcément être plus cher. Je ne suis pas forcément plus cher qu'une grande surface, c'est juste que j'ai des produits plus qualitatifs et plus ciblés. Enfin voilà, je connais parfaitement ce que je vends. En fait, enfin, voilà, il y a vraiment toutes les gammes. Quelqu'un qui veut arriver dans le monde du rhum sans forcément avoir quelque chose de trop explosif en bouche. Voilà, il y a des choses un peu plus sucrées, il y a des choses qui permettent vraiment d'entrer dans ce monde en douceur. Et voilà, après, bon, c'est à moi d'amener le client vers des choses un petit peu plus pointues. Mais bon, faut bien commencer par, voilà, par un point de départ. Bien sûr. Donc voilà, c'est sûr que quelqu'un qui n'y connaît strictement rien peut y trouver son compte. C'est mon job, après, de conseiller, d'orienter vers les bouteilles qui pourraient lui convenir. Et après, quand quelqu'un veut monter en gamme, va aller vers quelque chose d'un peu plus pointu, pareil, j'ai les produits qui sont là pour ça. Et pareil, je peux orienter vers ces catégories-là. Donc justement, tu as répondu à ma question suivante. J'allais te demander si ça t'arrive que certains clients ou certaines clientes, car aussi bien ce n'est pas réservé qu'aux hommes, les femmes aussi ont le droit de bien boire, sûr. De goûter ces différents produits. J'allais te demander si ça arrive qu'on te pose des questions sur les différents alcools, qu'on te demande conseil. Mais du coup, oui. Ouais, bah en fait, oui, c'est ça. Hein. Bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé qu'un client arrive en ayant une idée de bouteille précise en tête. En général, tout le monde vient en ayant... Bon, en ayant une idée de ce qu'il voudrait voilà, gustativement. Mais bon, voilà, face à un mur de bouteilles, c'est jamais évident, à moins d'être vraiment connaisseur. Mais vraiment, la quasi-totalité des clients me demandent conseil voilà, en disant « je cherche plutôt un rhum ou un whisky voilà, de ce profil-là ». Voilà, après, c'est, moi, comme je connais les produits que je vends, j'oriente les clients. Et la force de la boutique, c'est que voilà, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, mettre, je sais pas, un gros montant dans une bouteille, ça peut vite refroidir quand on sait pas ce qu'il y a dedans, la peur d'être déçu. Et puis voilà, c'est quand même des prix assez conséquents pour certains produits. Ben moi, je peux faire goûter, donc j'ai le droit de faire une dégustation. Voilà, ça rassure le client. On sait, il va savoir où il met les pieds. Et voilà, il est sûr de ne pas être déçu en arrivant chez lui avec sa bouteille. Voilà. Et donc, si jamais certains de nos auditrices, certains de nos auditeurs qui écoutent actuellement cette émission se disent « Ouais, mais c'est un chef d'entreprise, il va m'orienter vers les prix les plus chers », pas forcément. Non, pas forcément. Et ce qui est bien avec ces produits-là, c'est que, bon, contrairement aux grandes surfaces, où en général, si on veut avoir du bon, il faut mettre le prix. Bien sûr. Chez moi, tous les produits sont bons. Honnêtement, y a des bouteilles, des entrées de gamme à 25 euros. Au final, c'est pas le prix qui fait la qualité, parce que les rhums blancs, de manière générale, sont toujours moins chers qu'un rhum vieux, parce que ça n'a pas été vieilli, ça n'a pas pris de place dans les chais de la distillerie, donc c'est normal que ce soit moins cher. Et au final, quelqu'un qui va préférer les rhums blancs, ben voilà, préfère les rhums blancs, donc c'est pas forcément le prix qui fait quelque chose. Mais de toute manière, même un amateur qui vient, en général, les produits qu'on va dire un petit peu sucrés, plus facile à appréhender pour quelqu'un qui n'en a jamais bu, sont généralement des produits un petit peu moins chers, mais le prix n'influe pas du tout sur la qualité, sur en général le vieillissement. Alors, au final, ce qui est logique, les bouteilles qui ont des 10 ans d'âge, bah voilà, ça fait 10 ans que ça prend de la place dans les chais, donc c'est comme le stockage, on dit que le stockage ça coûte, donc c'est normal qu'il y ait une répercussion sur le prix, mais certains vont préférer les produits jeunes, donc qui n'ont pas pris de place dans les distilleries. Mm-hmm. Donc évidemment, ils sont moins chers, mais ils ne sont pas moins bons. C'est simplement les goûts, en fait. C'est ça, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça. Et donc, justement, avant de poursuivre cette émission, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois. Yes. Et que nous écoutions cette fois-ci le rappeur Giorgio en duo avec la chanteuse québécoise Cœur de Pirate, avec leur morceau intitulé Concept Flou. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est sortie récemment, elle est sortie le 25 novembre 2021. Ouais. Elle est plutôt typée hip-hop, rap pour Giorgio, et on va dire chanson pop pour Cœur de Pirate. Et je trouve personnellement, en écoutant la chanson quand tu me l'as soumise en amont de cette émission, que leurs deux voix créent un concept justement, ma foi, plutôt intéressant. Donc du coup, je propose de faire découvrir ce morceau à nos auditrices et auditeurs, et qu'on se retrouve juste après cette chanson d'ici un peu plus de 3 minutes, si ça te va. Ouais, c'est ça, très bien. Parfait, donc on écoute Giorgio et Cœur de Pirate avec leur titre Concept Flou, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Laisse-moi partir, devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on s'éveille loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois. Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient, puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute la semaine, pas un signe de vie sur mon tel. Mes gars m'ont dit n'attendent plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus. On est juste en fin de vingtaine et c'est que maintenant qu'on quitte la rue. J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu. Un drap blanc sur mon cœur noir, si je parle trop je me sens dévêtu. Tellement ambitieux que je préfère rester seul. On vit jamais trop haut, visualise l'avenir sans mauvais œil. Besoin de personne pour me distraire ou pour me forcer à mentir à moi-même. Je me sens entier dans la paix, pas besoin de problème. Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime, je sais même plus si j'en suis capable. J'attendais un signe du ciel, puis quand il est tombé, je crois que je suis tombé aussi. Et quitte à me faire un film, j'aurais dû choisir un bien meilleur synopsis. J'ai jamais trahi un ami, mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais, pour qui j'aurais pu donner ma vie. Des regrets dans un taxi nuit, cherche encore l'alchimie. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir, je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir, je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Et si tu m'as laissé partir, je vais pas faire demi-tour, j'ai déjà trop donné. C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir, que c'est un concept flou qui m'a trop fait saigner. On s'est toujours dit que c'était pas pour nous, qu'au final un des deux souffrait toujours. Mon espoir a un certain arrière-goût, pourtant j'ai jamais cru au hasard. Moi je crois que au rendez-vous, le contraire d'aimer c'est la peur. Et bien sûr qu'on a peur dans nos rapports, si Dieu n'y arrive pas, comment je pourrais mettre tout le monde d'accord? Pourquoi tu cherches à plaire? Pourquoi vouloir être aimé tous? Tu sais, pour fuir vos soirées, j'ai trouvé plein d'excuses. J'irai rejoindre cette fille que je trouvais tellement douce, mais qu'une fois énervé, j'ai plus jamais reconnu Un jour t'es tout et le lendemain t'es plus rien. Tu peux en vouloir à personne, non c'est juste humain. On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. J'ai ce que c'est que tomber, j'ai ce que c'est que se relever. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. J'ai ce que c'est que tomber, j'ai ce que c'est que se relever. Et si tu m'as laissé partir, je vais pas faire demi-tour, j'ai déjà trop donné. C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir, que c'est un concept flou qui m'a trop fait saigner. Laisse-moi partir, à devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on sait vivre loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Nous sommes à un peu plus d'une demi-heure d'émission. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous êtes habitués désormais. Vous venez d'écouter Giorgio en duo avec Cœur de Pirate et leur titre Concept Flou. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Benjamin Claudel de Canacave, qui est là pour nous parler de Canacave, justement, et de tout ce qu'il fait. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie? Ouais, franchement, super, merci bien. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau de Cœur de Pirate et Giorgio? Ah bah franchement, c'est un morceau qui est très récent, hein, comme tu le disais tout à l'heure, mais je trouve ça magnifique. Honnêtement, Giorgio, je trouve que c'est vraiment un poète. Et voilà, je le suis depuis très longtemps, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, et c'est rare qu'il collabore avec une chanteuse comme ça, comme Cœur de Pirate, et je trouve que l'association marche très très très bien, et voilà, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette musique, et voilà, quand j'ai eu l'occasion de te proposer des morceaux, j'ai pas hésité une seconde pour t'envoyer celui-là. Voilà, et puis ça fait du bien, ça fait non seulement découvrir des morceaux différents à nos auditrices et auditeurs, vu qu'ici on est très éclectique, ouais. Et du coup, comme on l'a dit, ce morceau est tout récent, donc peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ne l'avaient jamais entendu. Donc, c'est sûr, sûrement. Voilà. Et donc, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, je crois savoir qu'à Canacave, tu proposes également une gamme bio. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bah, en fait, c'est un peu en vogue en ce moment, hein. Il y a beaucoup de distilleries, que ce soit dans... vraiment dans tous les alcools, hein, vodka, gin, whisky, rhum, tout le monde essaye de se mettre au bio progressivement parce que bon, je pense qu'il y a de toute manière une forte demande pour du bio et ça propose des produits un petit peu différents. Ce qui est sympa, c'est que en comparant un produit bio et un autre non bio, donc par exemple d'une année sur l'autre, si le domaine est passé au bio, on peut comparer les deux produits qui sont sortis. Et ça amène quelque chose d'un petit peu différent au produit. C'est sympa. Enfin, moi qui suis passionné, c'est toujours sympa de découvrir les petites subtilités du bio, ce que ça apporte au produit. Et c'est vrai que bon, j'ai de la demande de plus en plus. C'est principalement les produits français qui sont bio. Donc c'est cool. Ça veut dire que la France est un peu en avance sur son temps. C'est vrai. Oui, parce que du bio, on en voit maintenant d'à peu près tous les domaines. Ouais, ouais. Du coup, même dans le domaine des spiritueux, maintenant avec toi, avec Canacave. Et donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, donc, j'ai lu quelques articles te concernant et j'ai vu quelques photos. Et j'ai vu que les alcools que tu vends, du coup, sont mis dans de jolis emballages. Oui. Que tu mets sur les étagères. Et donc, est-ce que c'est toi qui les emballes ou est-ce que tu les achètes comme ça pour les revendre ensuite chez Canacave, du coup? Bon, en fait, grande majorité des produits que j'ai, donc ils sont fournis avec leurs étuis, avec leurs emballages. D'accord. Et c'est les marques, hein, qui décident de leur packaging, etc. Et pour beaucoup maintenant, ils fournissent leur emballage. Donc c'est vrai qu'il y a des choses sympas. Il y a des belles boîtes en métal. Par exemple, je travaille avec un produit d'Afrique du Sud. Et dans la distillerie, vraiment sur place, ils fabriquent eux-mêmes des boîtes en bois. Vraiment, c'est un produit 100% artisanal. Et ça, voilà, rien que pour des cadeaux ou quoi que ce Bien soit, sûr. Ça offre... C'est un super emballage. Et puis bon, après, moi, j'ai les sacs de la boutique, évidemment. J'ai réussi à avoir des beaux sacs Kanaka, voilà, à l'effigie de la boutique. J'ai même eu du mal à en avoir parce que bon, maintenant il y a des pénuries un peu de tout et n'importe quoi. Donc même pour des sacs, voilà, j'ai un peu, je les ai seulement reçus là. Donc ah voilà. Oui. Bon, bah, c'est bien. Au moins je les ai pour les fêtes, etc. Voilà, j'ai toujours des beaux produits à proposer. Bien sûr, ça fait un joli cadeau. Bien sûr. Un joli cadeau dans un joli emballage, dans un joli sac Kanakave. Et donc, comme tu l'as dit en début d'émission et comme tu viens de le rappeler, tu proposes des alcools du coup venus de France, mais pas que, donc Afrique du Sud, etc. Donc, est-ce que tu as pour volonté, à travers, on va dire, à travers tout ça, de faire voyager gustativement la personne qui goûte, de lui faire découvrir, pourquoi pas, de nouvelles saveurs? Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je tenais, donc, alors certes, à proposer des produits français, notamment locaux, mais aussi à proposer vraiment des produits du monde entier, parce qu'il y a une richesse incroyable dans les spiritueux. Voilà, même que ce soit vraiment pour tout type de spiritueux. J'ai des rhums d'Australie, d'Afrique du Sud, des whiskies de Taïwan, des gins, même vraiment des gins du Japon, des vodkas, vraiment des vodkas de partout. Et ça mérite d'être connu. C'est des produits qu'on ne trouve pas partout. Bien sûr. Qui développent une aromatique vraiment typique à leur provenance. Alors que, en général, si on prend un whisky, ben voilà, ça reste un whisky, c'est les mêmes manières de faire. Et ben pourtant, non. Un whisky qui va venir du Japon ou de Belgique ou de Taïwan, ou même de France, hein, les whiskies d'Alsace, et ben ça ne va pas avoir le même goût qu'un whisky d'Écosse. Et c'est ça, c'est une petite subtilité qui mérite d'être connue parce que. Voilà, c'est un panel hyper large. Vraiment, c'est une grande diversité. Ça offre, en fait, voilà, c'est très riche. On peut pas, en fait, c'est vraiment un domaine dans lequel on s'ennuie pas du tout. Voilà, il y en a qui vont être fermés. Par exemple, un amateur de whisky va rester uniquement sur le whisky et pas sur le rhum ou pas sur le gin, etc. Mais au final, je vois quand je fais goûter les clients que j'ai, tout le monde est étonné et puis au final part sur quelque chose qu'il n'avait pas forcément prévu parce qu'on ne connaît pas grand-chose au final. C'est vrai. Voilà, c'est quand même un domaine assez... Bon, pas secret, mais bon, il y a des produits qu'on a du mal de trouver parce que faut connaître. Et... Voilà, c'est simplement ça. Mais c'est pour ça que la dégustation, c'est important. Et j'ai la chance de pouvoir proposer ça. Voilà, ça permet d'élargir ses connaissances et puis voilà, de découvrir un monde... Vraiment infini, quel monde des spiritueux. Un monde de saveurs différentes. Exactement. Et d'alcool, de spiritueux différents. Et donc, justement, donc tu travailles avec différents pays du monde, mais aussi, je crois savoir qu'une enseigne comme la tienne, donc une enseigne comme Kanakave, est unique à Remiremont. Bien sûr, c'est vrai qu'une boutique à spiritueux, vraiment uniquement spiritueux, on n'en trouve pas partout. On peut trouver à la rigueur des caves à vin qui vont essayer de développer un petit peu de spiritueux, mais ça reste très limité. C'est des produits qui vont tourner souvent en fonction des propositions des fournisseurs, des sorties, etc. Mais voilà, moi, ma force, c'est que j'ai une gamme très variée des quatre coins du monde. Voilà, des produits qui peuvent vraiment plaire à tout le monde, chacun. Même qui pourrait être un petit peu réticent aux alcools forts, j'en entends tous les jours, hein, des gens qui me disent moi je suis plutôt vin, les alcools forts, voilà. Mais au final, un alcool fort qui est bien fait, ben, on ne sent pas forcément les vapeurs d'alcool qui vont nous brûler la bouche ou le nez. Donc vraiment, ça mérite. Faut venir découvrir, simplement. Et je pense que n'importe qui peut repartir avec un très beau moment passé en boutique. Bien sûr. Et donc, du coup, comme tu es la seule cave à spiritueux, on va dire, à Remiremont, j'imagine que c'est quand même assez gratifiant pour toi. Bah, bien sûr. Bah, de toute manière, moi, comme j'étais client de ce genre de boutique, je constatais qu'il y avait un manque de propositions dans le coin. Donc, sur Remiremont et alentour. Il y a eu une place à prendre. Hein. Voilà, j'ai pris cette place-là. Et je constate, maintenant que c'est ouvert depuis quelques temps, qu'il y a de la demande et que les gens sont bien contents d'avoir ces produits-là parce que avant il fallait commander sur Internet. Eh oui. Et puis sur Internet, mettre un certain montant dans une bouteille. Alors bon, on a juste la note de dégustation sur Internet, mais ça c'est assez subjectif parce que chacun a un ressenti différent par rapport au produit. Voilà, alors que sur place, il y a les conseils, il y a la dégustation, et puis on repart avec la bouteille directement, c'est quand même autre chose. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai pris cette place-là. Et c'est vrai que j'en suis très fier. Ah bah je pense qu'il y a de quoi, quoi être fier. Merci. Et donc, comme nous disions un peu plus tôt dans cette émission, donc, ta Kanaka est ouverte aux amateurs, comme on confirmait, mais c'est également une enseigne ouverte aux professionnels, comme les tenanciers de bar ou encore les restaurateurs. Et donc, est-ce que, par exemple, certains bars, certains restaurants Dormiremont, par exemple, on peut citer par exemple, le Duo Bar, la Taverne ou encore le bar La Locomotive, est-ce qu'ils t'ont déjà passé commande ou pas encore? Alors, pour l'instant, non. J'ai été approché par un bar, mais rien n'a été fait. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les tenanciers de bar ou voire même les restaurateurs. C'est que j'ai des produits qu'on n'a pas partout. C'est vrai. Et donc, ça peut, je peux proposer vraiment des produits, pour que ce soit un bar à cocktail ou quoi que ce soit. J'ai vraiment des super produits pour faire des cocktails vraiment d'exception, quoi. Donc, c'est sûr que ça peut intéresser. Et voilà, ça permettra au bar de proposer des produits... Voilà, même pour le bar, au final, il aura une exclusivité sur des produits que les autres n'ont pas. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant. Et bien sûr que je suis ouvert à ça. Bien sûr. Donc, si cette émission peut servir d'appel au restaurateur, c'est mieux, ou au tenancier de bar, si ça peut t'apporter des commandes, nous, ce serait mission réussie pour nous. Et donc, comme nous sommes en plein dans la période des fêtes, tu t'ouvres aux bons et aux cartes cadeaux. Bien sûr, j'ai des cartes cadeaux. Donc... du montant souhaité, tous les montants sont possibles, peu importe. Et voilà, c'est simple au final. Hein, on offre la carte, que ce soit par mail ou vraiment peu importe le support. Et le client, en tout cas la personne à qui cette carte cadeau est destinée, a un an pour l'utiliser. Donc c'est très large. Et donc même pour les cadeaux, il y a des coffrets cadeaux hyper sympas avec des verres, etc. Vraiment, pour les fêtes, j'ai essayé de mettre le paquet là-dessus. Surtout que il y a une très forte demande de coffrets pour cette période-là. Bien sûr, donc tes coffrets, donc du coup avec des verres, etc. Mais aussi des coffrets dans lesquels on peut trouver certaines de tes bouteilles que tu proposes en magasin. Bien sûr. Il y a plusieurs références qui sont disponibles en temps normal. La bouteille seule. Il y a des marques... qui joue vraiment le jeu des fêtes en proposant vraiment des très beaux coffrets avec des beaux verres gravés, etc. Et au final, à des prix hyper corrects, c'est à peine plus cher que la bouteille seule. Donc vraiment chapeau aux marques de faire ça, de jouer le jeu des fêtes. Après, c'est à leur avantage aussi. Bien sûr. C'est sûr, mais ça offre vraiment des beaux cadeaux. C'est même des gros coffrets des fois avec des verres... vraiment, honnêtement, c'est très très sympa pour les fêtes. Et même en général, les bouteilles qui sont proposées en coffret sont des très bonnes bouteilles pour tout type de consommateur, que ce soit amateur ou connaisseur. Pour tout type d'alcool aussi. En coffret, j'ai gin, rhum et whisky. Donc c'est un panel assez large. Mm-hmm. Et donc, est-ce que ça t'intéresserait, toi, d'un jour, de t'ouvrir à des verres gravés Kanaka ou c'est pas forcément dans tes plans? Bien sûr. Moi, j'en ai un à titre personnel que je m'étais offert quand il n'était même pas encore question de magasin, seulement quand la page fonctionnait bien. Mm-hmm. Mais oui, je pense que c'est une idée qui sera développée. Et puis tous des petits produits à l'effigie de la boutique, bien sûr, c'est bien intéressant. Sûr. Bah oui, forcément. Et donc, j'aime... Une question qui intéresse aussi, j'imagine, c'est la question des prix. Ouais. Donc, quelle est la fourchette des prix des différents alcools proposés? J'imagine que ça varie en fonction du taux d'alcool ou de la qualité du produit. Alors, c'est vrai que le taux d'alcool joue sur le prix. Alors, ça, c'est une question, c'est tout simple, en fait, c'est les taxes. Eh oui. Voilà, plus la bouteille est forte en alcool, plus il y a de taxes. Donc, évidemment, ça se répercute sur le prix de vente, malheureusement pour tout le monde, de toute manière. Moi qui suis consommateur de ces produits, je suis le premier embêté. Mais du coup, c'est quand même assez large parce que j'ai essayé de... quelqu'un qui souhaite découvrir ce milieu-là, qui ne va pas forcément lâcher un gros billet, c'est totalement normal. Il faut qu'il y ait un produit qui lui corresponde pour son budget. Et puis quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui a l'habitude des produits, va pouvoir mettre un plus gros budget. Donc en fait, clairement, le produit que j'ai le moins cher, c'est 25 euros. Et le plus cher, c'est des montants assez hauts. On passe la barre des 300 euros. Mmh. Mais c'est vraiment des bouteilles de collection à ce niveau-là, des très vieilles bouteilles qui ont plus de 20 ans d'âge. Donc mais sinon, c'est vraiment pour tout budget. Vraiment, honnêtement, il y a de quoi faire. Hein. Vraiment, pour n'importe quel budget. Et ce qui est bien, c'est que peu importe le budget, on repart avec une bouteille de qualité. Bien sûr. Et puis, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs peuvent trouver ces prix un peu chers, il faut aussi savoir, ça paraît évident, mais on peut quand même le rappeler, que du coup, les bouteilles que tu as en magasin, tu les achètes d'abord toi. Ouais. Donc du coup, il faut faire une marge, c'est normal. Bien sûr, il faut faire tourner la boutique, c'est sûr. Voilà, donc parce que je crois que dans le commerce, je crois qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. Exactement. Donc du coup, c'est normal qu'ils pourraient... Voilà, ouais, bien ça, sûr, ça bien paraît sûr. Évident. C'est sûr. Et donc, j'aime bien poser cette question car elle me paraît intéressante. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Le contact avec les clients. Alors là, clairement, direct. Ouais, franchement, sans hésiter, parce que... En fait, je vends des produits que moi, j'affectionne particulièrement. Donc, échanger autour de ce domaine-là, pour moi, c'est super intéressant. Et il y a même des clients qui peuvent m'apprendre des choses. C'est vraiment un réel échange. Et comme je le disais tout à l'heure, je propose des dégustations. Donc, c'est vraiment un super échange autour d'un verre de quelque chose de très sympathique. Et voilà, ça permet... d'échanger ses avis, certaines notes de dégustation. Et comme tout ce qu'on peut ressentir autour de ce verre, c'est très subjectif. Voilà, c'est toujours enrichissant, que ce soit pour moi ou pour le client, voilà, d'avoir l'avis de chacun. Et c'est toujours sympa de parler de sa passion, de toute manière. Bien sûr. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de poursuivre encore un peu à nouveau et de conclure, je te propose de nous lancer directement dans une troisième fréquence musicale de ton choix une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois Lotus Blue avec le titre Fly Me to the Moon. Toujours au niveau des quelques références, ce titre est plutôt typé pop, je dirais, il est sorti en 2020. La version la plus connue de ce titre est la version du célèbre chanteur Frank Sinatra en 1964. Donc on écoute la version de Lotus Blue et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission. Donc on se retrouve juste après d'ici un peu moins de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Forevermore, you are all I long for, all Fly Me to the Moon de Lotus Blue sur Radio Gamozo. Vous êtes donc de retour, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Benjamin Claudel de Kanakav qui est là pour nous parler justement de Kanakav et de tout ce qu'il fait. Tout est toujours beau pour toi ? Ouais, super. Parfait. Donc même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habitué désormais, pourquoi avoir choisi ce morceau de Lotus Blue ? En fait, c'est un morceau que j'ai découvert, donc voilà, qui est pas très vieux, hein, qui est de 2020, j'ai découvert pendant le confinement. D'accord. Et donc, comme j'étais à la radio à ce moment-là, je connaissais la version de Sinatra, comme j'étais dans une radio jazz, en plus c'est un morceau qu'on passait assez fréquemment. Et au final, je trouve que cette version-là ne dénature pas le morceau original. Et voilà, apporte une petite modernité, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté. Je le trouve sympa, assez rythmé, mais quand même assez doux. Et voilà, je trouve que ça fait du bien d'écouter un morceau comme ça. Écouter ce petit morceau pendant une balade en forêt. Ouais, exactement. Et donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'invite tout le monde à venir découvrir la boutique. Bien sûr. Voilà, à venir regarder les réseaux sociaux, parce que à chaque fois qu'il y a une dégustation de prévu, un événement, une petite animation, je communique là-dessus. Donc voilà, sur Facebook, c'est Kanakav Remiremont, et sur Instagram, c'est Kanakav, tout simplement. Voilà, ça permet de découvrir plein de bons produits, divers et variés, des quatre coins du monde. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus chez Kanakav. Bien sûr, je mettrai de toute façon tous les liens utiles pour te retrouver en podcast de cette émission. Comme ça, les auditrices et auditeurs auront juste à cliquer dessus pour te retrouver facilement. Super. J'allais te demander si nous voulons suivre ton actualité, comment pouvons-nous faire donc Facebook et Insta. C'est ça. Voilà. Voilà. Ou alors à Kanakav. Ou alors, à Kanakav, bien sûr. Moi, je suis toujours là, donc je suis là pour échanger avec vous. Tu peux donner peut-être l'adresse de Kanakav ? Bien sûr, alors c'est au 22 boulevard Thiers, donc en haut du boulevard Thiers, en fait, tout simplement. Et je suis ouvert du lundi au samedi. Alors lundi, c'est uniquement l'après-midi de 14h à 19h. Et sinon, du mardi au samedi, de 10h à 19h non-stop. Voilà. Et donc, la magie de la radio, le lundi, donc l'après-midi, tu es ouvert l'après-midi. Ouais. Et donc, la magie de la radio, tu seras quand même là à la radio et en même temps. Exactement. Chez Kanakav. Bien sûr, on va s'arranger. Eh ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh ben que ça continue comme c'est parti, ça fonctionne très bien et voilà, ça permettra aux gens de faire des très beaux cadeaux de Noël. Donc qu'on continue sur cette lancée-là et que voilà, que j'arrive à toujours avoir des nouveaux produits divers et variés afin de proposer des très bonnes choses aux consommateurs. Bien sûr. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Eh ben ouais, merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de ce projet-là. C'était super sympa. Et voilà, à bientôt à tout le monde. Voilà. Donc c'est ainsi que tu termines cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de te remercier, Benjamin, d'avoir accepté du coup mon invitation. De rien. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail. Avec grand plaisir. Voilà, si tu veux la récupérer, la partager. Ouais. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h comme tous les lundis. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain mardi à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Voilà, donc merci de votre fidélité à Radio Gamozo et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.